phrase dite. Activation orale, indécision. Écoutez et répétez en imitant le modèle aussi exactement que possible. 1. Moi, je ne sais pas encore ce que je vais faire. 2. Tu n'as pas l'air très fixé. 3. Je ne veux pas me décider trop jeune.